s'étonne qu'à exploser. Une bombe s'est fait toute belle. Le printemps n'est plus ce qu'il était. On le revêt pourtant 10 000 fois. Alors on ferme les yeux et on aboie. Tout graffé à ne plus croire en feu. Le ciel nous tombera sur la tête. Un tremblement se fait ressentir. Naturel ou inventé, l'enfer du décor est déplanté. Toujours un peu plus chaque jour, comme pour dire chacun son tour.